Ce soir, au Undead Incorporated Show Réanimation, je vais vous rincer sévèrement les oreilles avec un méga spécial symphonique power metal. Se succéderont des formations dignement représentatives de ce genre telles que Blind Guardian, Nightwish et Sonata Arctica, pour ne nommer que ceux-là. Enfin, une édition de réanimation qui voguera dans les hautes sphères intellectuelles de ce genre fort cérébral. En fin d'émission, vous aurez eu comme conclusion que votre docteur raconte encore une fois n'importe quoi. Parce que je déteste profondément ce genre de musique suffisante et que jamais je n'oserais diffuser ces groupes à réanimation, de peur de vomir partout. Donc, voici Réanimation, et qui ne contiendra que du véritable métal, brutal, violent et bon. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is still my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. D'ailleurs, voici un joyeux échantillonnage de ce qui n'est pas power metal. Oh, yeah. We're all cowards who scared to take the Cet été, passez 3 heures en compagnie de Mathieu Plante et de ses chroniqueurs variés. Vous y retrouverez toutes vos chroniques préférées, comme C'est un fait, Kinky Sexy Time, Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a, Les instructions d'assemblage et bien d'autres. Assemblage requis tous les jeudis de l'été de 15h à 18h après les Palmarès C'est fou. Pour connaître les heures de rediffusion, visitez c'estfou.ca. Le Cénob. C'est un café-bar chaleureux. C'est la plus belle terrasse en ville avec un feu pour te réchauffer le cœur. C'est des spectacles toutes les semaines. C'est une institution à Trois-Rivières. Le Zénob, 171 rue Bonaventure. Consultez l'horaire des spectacles via la page Facebook du Zénob. Au Pignon Libre, nouveau concept à Trois-Rivières. Vélo, café, sandwich. Vente, location et réparation de vélos en tout genre. Dépositaire des marques Gazelle et leurs vélos hollandais, Linus et ses vélos au look vintage. Sans oublier les vélos pliants de chez Turn, ainsi que les vélos fixes Pure Fix Cycle. Au Pignon Libre, c'est aussi un café et une sandwicherie dans une ambiance chaleureuse. Au Pignon Libre, 1000 boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières. Chaque mercredi midi de l'été, Saint-Onis C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation ce 17 juin de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Je vous accompagnerai jusqu'à 21h dans cette édition métallique, une fois de plus. Avant cette pause publicitaire, c'était le bloc d'introduction de cette nouvelle édition et c'était déconstitué de ce qui suit Death Angel et la pièce Left 4 Dead, pièce d'ouverture d'une dernière parution de cette formation américaine. Très bon album, The Dream Calls for Blood, qui est paru sur l'étiquette Nuclear Blast. C'est paru en 2013. Nous avions Exodus et Brain Dead. Il y en a plusieurs comme ça. C'est tiré de l'album Pleasure of the Flesh qui est paru en 1987 sur Combat. Nous avons Satan, Incantations, excellente pièce du très bon album Life Sentence qui est paru en 2013 sur Listenable Record. Et Angel Witch et la pièce Who's to Blame, tiré de Screaming and Bleeding, un album de 1985 qui était sous étiquette Killer Watt Records. In the War avec King Diamond et l'ouverture de son dernier album, paru en 2007, The Dead. C'était immédiatement suivi de Never Ending Hill. On retrouve ces deux pièces sur Give Me Your Soul Please, comme je l'ai dit, paru en 2007, Metal Blade. Et c'est effectivement le dernier album studio de King Diamond. Il y aura dans quelques jours, le 26 juin, 7 ans déjà qu'il est paru. Le statut de King Diamond est toujours actif, quoique King est un peu plus âgé, c'est qu'il fait encore des apparitions dans certains spectacles, festivals, mais je crois qu'il n'enregistre plus rien studio. Probablement une question de voix, j'imagine. Cette semaine, je l'avais dit, je vous propose la présentation du nouvel album de Incantation, cette formation américaine qui vient plus précisément de Johnstown en Pennsylvanie, formation death metal, dont le concept tourne autour du satanisme, de l'occultisme et de l'antichristianité. C'est une formation qui existe depuis 1989, dont il ne reste un seul et unique membre original, qui est John McEntee, qui initialement, assurait le rôle de guitare, lead guitar, jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui, sauf que depuis 2004, il est aussi chanteur. Les deux autres membres sont respectivement présents dans la formation, soit depuis 1994, avec quelques pauses entre eux. Il s'agit ici du batteur Kyle Severn et Chuck Sherwood, et là depuis 2008. Chose étrange, Incantation comporte 4 musiciens, mais sur l'alignement, il n'y en apparaît que 3. Et il y a probablement un membre qui est moins considéré que les autres dans le band. Il s'agit du 10e album complet studio de la formation. Et je dois vous dire que, personnellement, j'ai trouvé cet album complètement à chier. Non, c'est faux, j'ai donné un 8 sur 10. L'album porte le nom de Dirges of Elysium. Il est sous étiquette Listenable Records. Moi, ce que je trouve avec la formation Incantation, qui, on se le cachera pas, est quand même pas un des grands majors du mouvement métal, mais qui a quand même une certaine réputation au niveau du death metal. Donc, ce que je trouve avec la formation, parce que j'ai quand même quelques albums, je n'ai pas les 10 en totalité, mais j'en ai quand même certains, c'est une formation qui s'améliore, je dois le dire, et qui se raffine d'album en album. Et cet album-ci, The Dirges of Elysium, comporte un mouvement un peu plus doom à l'occasion. En fait, des downbeats qui sont, moi, je trouve, intéressants parce qu'ils donnent une dimension un peu plus dramatique. Quoique déjà que le death metal, c'est toujours pas super joyeux, là, on en conviendra. Mais une dimension un peu plus dramatique. Et pour revenir avec des airs de chansonnettes fort joyeuses. Non, pas du tout. En fait, avec, je dirais, un pattern plus traditionnel de death metal. Je vous propose 3 pièces qui sont les 3 premières pièces de ce nouvel album de Dirges of Elysium. Et on va continuer avec un petit spécial de 3 autres pièces tirées respectivement de Decimate Christendom, Primordial Domination, qui est paru en 2006. En fait, Decimate Christendom, c'est 2004. Primordial Domination, 2006. Et Vanquish and Vengeance, qui est paru en 2012. Donc, on va se faire un petit spécial Incantation. J'espère que vous aimez ça, parce que sinon, c'est 26 minutes, vous allez trouver le temps long. Mais ça, je m'en sac pas mal. Donc, sans plus attendre, voici Incantation. Go! le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, le resto-bar sportif Loriflame est fier de vous présenter les matchs en direct sur écran, accompagnés du célèbre buffet du sportif à volonté. Pour information et réservation, 819-693-4774. De plus, écoutez C'est fou et courez la chance de gagner des laissez-passer pour 4. Cet été, la planète tourne au rythme du ballon rond. Au resto-bar Loriflame, 1900 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Du 4 mars au 4 juillet 2014, participez au concours de photos Vue d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez une scène en milieu aquatique, illustrant la faune, la flore, une activité humaine, la rivière Saint-Maurice ou le parc national de la Mauricie. Soumettez vos 4 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent, ainsi que des chèques cadeaux, valides entre autres chez Maïcan Aventure, le parc de l'île Melville, la CEPAC, Tremblay Photo, la Cité de l'énergie, le parc national de la Mauricie et bien plus. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsn.ca. Merci à la Banque Royale RBC pour la réalisation de ce projet. Le concours photo Vue d'en haut 2014 est une présentation de Bassin versant Saint-Maurice. Chaque semaine, Album Classique vous propose de découvrir ou redécouvrir un joyau de l'histoire de la musique. Des géants du rock aux groupes pop plus obscurs en passant par les albums oubliés, Album Classique se donne la mission de vous les présenter dans leur intégralité, telle que souhaitée par les artistes. Album Classique, les vendredis matins, 10h, sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 20h08 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire ce spécial Incantation qui comportait en fait 3 pièces tirées de 3 albums différents entre 2004 et 2012 et 3 pièces du nouvel album paru il y a en fait tellement peu de temps qu'il est encore tiède, soit Dirges of Elysium. On a entendu avant la pause une pièce tirée de Vanquish and Vengeance, qui est l'avant-dernier album paru en 2012, soit Profound Loathing. Juste auparavant, nous avions Extirpated Dominus. Elle est tirée de l'album Primordial Domination, qui est paru en 2006. No Paradise Awaits, qui est tirée de Decimate Christendom. Cet album est paru en 2004. Ils sont tous sous étiquette Listenable Record, soit dit en passant. Et là, nous avions la troisième pièce de ce nouvel album, soit Bastion of a Plague Soul, qui était précédé de Debauchery. Et en ouverture, cette pièce instrumentale qui se veut une forme d'ouverture, si vous voulez, The Just of Elysium, pièce titre de cet album qui est paru il y a très peu de temps sur Listenable Record. Bref, j'espère que ça vous a plu parce que moi, c'est le cas. J'ai bien aimé. Mais je dois dire que Incantation n'est pas nécessairement mon groupe favori préféré de death metal, mais c'est une des formations que je considère comme étant fort intéressante. La semaine prochaine, c'est une émission toute particulière, non pas parce qu'elle est la journée de la Saint-Jean-Baptiste, parce que ça ne fout strictement rien dans mon cas. Elle est particulière parce que j'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec mon comparse de il y a bien longtemps, soit Sinistros. Sinistros sera parmi nous mardi prochain. Il a la disponibilité de le faire, donc il viendra co-animer l'animation et probablement qu'il nous présentera des trucs qui lui auront été agréables dans les derniers mois, parce qu'il y a quand même plusieurs mois que Sinistros a quitté le navire, comme les rats le font généralement lorsqu'il y a tempête. Bref, Sinistros sera parmi nous la semaine prochaine. J'en suis fort heureux. Mais non, il n'y aura pas de spécial Saint-Jean-Baptiste. Ne vous attendez pas à avoir du métal québécois. Il n'y aura, n'en aura pas. La semaine dernière, j'ai fait un spécial Metal Canadian Assault dans lequel j'avais 50% de groupes québécois. Donc, c'était ça. La semaine prochaine, moi, je vous présenterai le nouvel album de Septic Flesh, Titan. Parlant de nouveautés aussi, eh bien, mardi prochain sera disponible officiellement le nouvel album de la formation américaine Mastodon, formation qui donne dans un prog metal. L'album porte le nom de Once More Round the Sun et il est sous étiquette Century Media. Il sera disponible en CD et en LP double. Très belle pochette, je dois dire, qui me rappelle un peu, je dirais, la composition graphique de certains albums initiaux de Mahogany Rush. C'est une belle composition graphique. Maintenant, à savoir, parce que j'ai eu l'occasion de l'entendre, est-ce que j'ai aimé l'album? Eh bien, je vais vous dire que je le présente cette semaine, ce vendredi, à Rock Classic, en compagnie de mon ami Rockmaster. Je n'ai pas donné une note extraordinaire, je dois dire. Je l'ai préféré à son prédécesseur Hunter, que j'avais trouvé, je dois le dire, abominable. Parce que j'aime bien Mastodon, j'aime bien ce qu'ils ont fait auparavant. Je dirais, généralement parlant, aller jusqu'à les Hunter, possiblement tout ce qu'ils ont fait, ou beaucoup. Ici, avec Once More Round the Sun, je le trouve plus intéressant, moins... C'est drôle parce que j'ai jamais trouvé d'autres qualificatifs pour le précédent des Hunters que à tendance commerciale. C'est un peu ironique de dire ça de la part de Mastodon, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux à dire. Et ici, je le trouve un petit peu plus métal, progressif, comme ils ont fait par le passé. Il y a certaines sonorités, certaines pièces à l'occasion qui me stimulent pas trop, mais quand même, je le présenterai à Rock Classic, deux pièces. Je ne le ferai pas en réanimation. Je vais donner une cote de 6.5 sur 10. Parce qu'initialement, je lui aurais donné probablement un 5 ou un 5.5, mais je l'ai réécouté, puis finalement, j'ai dit, ben, c'est mieux que c'était. Ben, en fait, que sont nos prédécesseurs. Donc, ça sera pour l'émission Rock Classic de ce vendredi, le 20 juin, c'est bien cela. Donc, voici côté musical, je vous parlerai cinéma et séries télé un peu plus tard. Je vous rappelle le côté spectacle que Trois-Rivières Metal vous proposera le 28 juin, qui est un samedi, au Rock Café Le Stage. La formation Havoc, Wretched, Hellbound et Hellborn, ben, en fait, avec Sinistros, bien sûr, et Satanic Glue Sniffers. Les portes ouvriront à 19h et le spectacle débutera à 20h, c'est pour tous, au coût de 15$. Et pendant ce temps... Mais pas à la même date, le 26 juin, BC High propose au Café Campus Conquerors of the World, qui met en vedette Septic Flesh, Flesh God Apocalypse, Black Crown Initiate et Necronomicon. C'est au Café Campus le jeudi 26 juin à 18h30, l'en coûtera 20$ et 25$ pour y assister via la billetterie du Café Campus. Et le samedi 18 octobre prochain, toujours BCI présente Illuvite en compagnie de Tyr et Met Satol. C'est le 18 octobre, un samedi, à 20h, au Théâtre Corona. Il en coûtera 25$ et 30$, taxes incluses puis assistées. Et c'est disponible à la billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy, Creator, Huntress et Starkill seront le lundi 27 octobre de 19h au Métropolis. Les billets sont en vente le 20 juin 2014 au coût de 30,43 et 34,78 plus taxes. Billets VIP en vente aussi et, semble-t-il, est disponible au Métropolis. Vous avez le lien directement sur la page spectacle de BC High. Ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement avec un genre musical qui, ma foi, il y a bien longtemps que je n'ai pas exploité ou diffusé, pour ainsi dire, il s'agit du grind. Il y avait bien longtemps que je me suis dit, ben oui, ça serait le fun de repenser du grind, parce que je suis certain qu'il y a des amateurs de grind qui écoutent Réanimation, comme des amateurs de toutes sortes de métal, mais qui ne retrouvent pas ce qu'ils veulent tous à Réanimation. Et c'est normal. Dans ce bloc, grind ou fortement, influence grind, nous allons entendre les formations Exhume, Mama Kill, Brutal Truth, mais tout de suite, allons-y avec Napalm Death et la pièce Downbeat Click. C'est tiré de Time Waits for No Slave. Go! Go! An orgy of terror. It's the night of a bloody apes. They rip, they tear, they claw you to pieces. It's an orgy of terror. Beware, it's the night of the bloody apes, and the creatures of hell are loose. We'll be right back. Que faites-vous les mercredis 13h? Voulez-vous qu'on en jazz? Installez-vous et préparez-vous à écouter la meilleure musique jazz. De Diana Krall à Ella Fitzgerald et les nouvelles sensations comme Emily Claire Barlow, vous apprendrez à aimer le jazz ou à continuer d'aimer ce style musical indémodable. Voulez-vous qu'on en jazz? Tous les mercredis 13h sur les ondes de C'est fou. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Progression onirique, émission musicale de métal progressif et de power metal tous les lundis soirs à 20h. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Il en reste moins qu'il en restait, puisqu'on termine à 21h. Mais avant cette pause publicitaire, on a eu quelque chose de fort. On renouait ici avec quelque chose que j'avais mis de côté depuis un certain temps, qui était du grind. Gustave, quoi? Hein? Gustave dit qu'il regrette amèrement que je n'ai pas fait ce que j'avais dit en ouverture d'émission, qui était un canular, de passer du symphonique du power metal, du symphonique power metal. Mais pourquoi, Gustave? Parce que Gustave trouve que ce que je passe est trop bon pour la qualité des auditeurs qu'on a à réanimation. Donc, ils auraient mérité du symphonique power metal. C'est bien ça que tu dis? Ah ben, Gustave, tu sais, je vais finir par faire un homme de toi à la longue, hein? Il dit qu'il le sait. Malheureusement, je vais finir par faire de toi un homme mort. Il est pas content. On vient d'entendre un bloc qui avait forte dose et tendance à tremper dans le grind. En fait, à l'instant, information Gore Grind Exhumed, une pièce tirée du dernier album Necrocracy, Coins Upon the Eyes. C'est paru en 2013 sur Relapse. Et Coins Upon the Eyes, eh bien, c'est normalement la coutume qui voulait que lorsque quelqu'un décédait, on lui mettait des pièces sur les yeux pour payer le passeur. Et c'était le passeur du Styx, bien entendu. Auparavant, nous avions Terrorizer et la pièce Hordes of Zombies, pièce titre de cet album qui est paru en 2012 sur Season of Mist. Une version de Terrorizer qui comportait, bien entendu, un des membres fondateurs depuis le début 87, Pete Commando Sandoval, bien entendu, qu'on l'a connu longtemps, en fait, jusqu'à un certain nombre d'années, avec Morbid Angel, Anthony Wolf et Rez Hawk, qui assure le vocal depuis 2005, qui est aussi dans Resistant Culture, et Katina Culture, qui est le succédé à Jesse Pintado, décédé bien entendu, guitariste émérite, je dois dire, dans le genre, qui elle aussi fait partie de Resistant Culture, et on retrouvait aussi David Vincent, évidemment, à la basse, qui est toujours, qui est revenu depuis un certain nombre d'années avec Morbid Angel. Et il semble vraiment que le statut de Pete Sandoval soit vraiment à zéro avec Morbid Angel. Donc, peut-être un jour, je sais qu'il a eu une grande opération et grave opération au niveau lombaire. Est-ce que c'est cela qui leur a freiné les ardeurs en tant que membre de Morbid Angel? C'est possible. Nous avions juste avant une formation qui vient de Genève. Il s'agit de Mama Kill et la pièce One. En fait, il faut savoir qu'il y a 26 pièces, je crois, sur l'album, qui est le premier album de cette formation, Customized Warfare, qui est paru en 2006 sur Overcome Records. Et toutes les pièces qui ont entre 2 minutes et quelques secondes portent le nom, en fait, portent le chiffre de leur rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 26, si je ne m'abuse. Nous avons Mortician, auparavant, la pièce Human Beast, avec cette espèce de speech, FX au début qui rappelait les films d'horreur des années 70, voire même 60. La pièce Human Beast est tirée de Reanimated Dead Flesh qui part en 2004. C'est sur Mortician Recording. C'est un duo. Et juste avant, nous avons Brutal Truth et la pièce Grind Fidelity, pièce de clôture de l'album Evolution True Revolution qui part en 2009 sur Relapse. Et on ouvre avec l'excellente pièce de Napalm Death, Downbeat Click, tirée de Time Waits for No Slave, part en 2009 également sur Century Media. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait mal digérer aussi. Ce serait fort intéressant de savoir que vous avez été malade avec ce bloc. Je vous rappelle que la semaine prochaine, le 24, il y a une émission. Et elle sera en compagnie de Sinistros. Et oui, Sinistros, cette créature étrange, malodorante, insignifiante, voire bébête par moment. Ce gobelin puant et gobelin pestilentiel, surtout s'il en est, sera avec moi pour co-animer cette édition de réanimation. Mais il n'y a pas de spécial Saint-Jean-Baptiste. Oubliez ça, il n'y en aura pas. Le 1er juillet, qui est l'émission suivante, la Saint-Jean-Baptiste, donc mardi dans deux semaines, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'émission, il n'y aura pas de réanimation. Et je dois vous dire que par la suite, il ne restera que deux éditions de réanimation qui seront respectivement soit le 8 et le 15 juillet, parce que par la suite, c'est une pause, la pause estivale comme à tous les années. Donc, la dernière émission de réanimation, c'est le 15 juillet et je reprendrai du service le mardi 20 août. Donc, vous allez peut-être vous en ennuyer, peut-être pas, mais pour ceux à qui le Undead Incorporated Show manquerait, bien, il y aura toujours les podcasts sur le site de réanimation AD.com et je continuerai, malgré le fait que je sois en vacances, à poster quelques petites chroniques ici et là, mais je vais tenter de décrocher fortement. Côté cinéma, eh bien, le 11 juillet, qui arrive quand même à grands pas, c'est Dawn of Planet of the Apes. C'est le deuxième qui remanie, d'une certaine façon, cette saga, la planète des singes des années 60 et 70, qui, selon moi, fait partie des excellents films de science-fiction, qui mettait en vedette à l'époque dans le premier Charlton Heston. Allons-nous dire un remake? Je sais pas, je suis pas convaincu, parce que le premier, c'était quand même une adaptation qui était fort bien réussie, je dois le dire. Donc, Dawn of the Planet of the Apes sort en salle le 11 juillet. Le 22 août, ça c'est en ce qui me concerne, c'est un film attendu, c'est Sin City, A Damn to Kill For. C'est la deuxième partie de ce film qui est fort particulier. Pour le premier, très intéressant de Zack Snyder. Donc, c'est tiré d'une bande dessinée. C'est très particulier. C'est traité pratiquement en monochrome avec quelques touches de couleurs très criardes pour faire au contraste. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Jezebel, un film d'horreur qui sort le 29 août. Le 19 septembre, c'est Maze Runner. C'est un film de science-fiction. Je peux pas vous dire si c'est une série, ou s'il s'agit d'un film à haut budget. Je n'ai aucune idée, mais le synopsis a l'air intéressant. Et pour les amateurs de films d'action, The Equalizer, c'est un film qui met en vedette Denzel Washington. Ça sera en salle le 26 septembre. Moi, personnellement, ce dont je veux vous entretenir au niveau chronique initialement, série TV, c'est la deuxième saison de Vikings, qui est une série d'aventures historiques, si on veut, qui est de Michael Hirst. C'est vraiment excellent. On retrouve ça sur History Channel. Ça met en vedette Tramis Fimmel, Clive Standen et Jocelyn Gilsig. C'est vraiment bien, bien fait. La première saison m'avait vraiment enchanté. Si vous êtes des amateurs de justement de cette peuplade mythiques, qui sont les Vikings de Scandinavie, ces conquérants, ces explorateurs aussi, doit-on le dire, qui auront trouvé bien des choses avant bien des explorateurs qui en ont eu le crédit, et de la vie sociale et des affrontements, des querelles, des batailles, de cette peuplade, eh bien, je vous dis, Vikings, c'est vraiment excellent. C'est admirablement bien joué. La reconstitution est vraiment, vraiment bien faite. Les images, le graphisme est vraiment hallucinant. Et la deuxième saison est, selon moi, probablement meilleure que la première. Je lui donne un 9 sur 10 facilement. Vikings saison 2. Ben, si vous avez pas vu la saison 1, c'est inutile de voir la saison 2. C'est une suite. Voyez la 1. C'est quand même pas énormément d'épisodes. Pour la 2, c'est 10 épisodes et je crois que la première était 8 épisodes. Donc, ça s'écoute très bien en rafale. Je dirais une journée de pluie. S'il fait soleil, ben, si vous êtes vampire, écoutez-le, vous allez pas brûler dehors. L'autre chose, la seule et unique que j'ai pour vous cette semaine est le film à revoir ou à découvrir que moi-même j'ai redécouvert le week-end dernier. Il s'agit de Terminator Salvation, un film de 2009 de McG, qui met en vedette Christian Bale, Sam Worthington et Moon Bloodgood. C'est le quatrième volet de cette saga Terminator. Je crois que c'est possiblement celle qui a mis fin, du moins, ce qui devrait être, avoir mis fin. On sait pas, Arnold, il reprend du service avec le cinéma. Même question qu'il refasse un nouveau canon, donc. Il va peut-être refaire un Terminator. Bref. Terminator Salvation, c'est vraiment, ça se passe en 2018 et vraiment les machines ont pris le dessus sur la Terre et c'est quelques résistants qui doivent éliminer Skynet. Évidemment, on retrouve encore, ce cher John Connor, interprété ici par Christian Bale, vraiment admirablement bien, je dois le dire. Et j'ai redécouvert avec grand plaisir ce film-là, simplement parce que il est bon. Je l'ai écouté en 2009, quand il est sorti la première fois, je ne l'avais pas réécouté. Je me suis dit, tiens, pff. En 2009, je l'avais trouvé correct, mais je n'avais pas autant accroché. Il est vraiment bon, il est bien fait, il y a beaucoup d'action. C'est quand même, je dirais, pour ce genre de film, légèrement popcorn de science-fiction et d'effets spéciaux. C'est quand même, je dirais, assez intelligent. Donc, moi, je vous le recommande, Terminator Salvation. Ça se trouve, bien entendu, en Blu-ray, en DVD. C'est bon. C'est bon, je lui donne un 8.5 sur 10. Il est 20h45, précisément. Nous allons à peine le temps de vous conclure cette édition de réanimation avec un bloc qui est constitué de death, constitué de musique un petit peu plus tendance, je dirais, gothique par moment, blackish aussi, et carrément brutal. Donc allons-y tout de suite avec Nomad, The Demon's Breath. Go! I'm sorry.